Avance, avance. Oui, patron. Avance. Oui, patron. Voilà. Dis-moi, si je t'enlève tes chaînes, tu me promets d'être bien sage ? C'est promis, patron. Ouais. Comment tu t'appelles déjà ? John Café, patron. Comme le café, mais ça s'écrit pas pareil. Assieds-toi là. Oui, assieds-toi. Patron. Je suis innocent, pas toi. Tellement innocent, pas toi.